بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيدي ونسيت نويدي 20 Rabi al-Thani 1441, qui correspond au 17 décembre 2019, on entame le troisième cours concernant les droits du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce troisième cours concernera donc le deuxième droit du prophète alayhi salatu wassalam, qui est l'obéissance au prophète, qui est le fait d'obéir au prophète alayhi salam et de suivre sa sunna. Ce droit qui concerne l'obéissance au messager alayhi salam et le suivi de sa sunna, Cheikh Abdallah Hafidhahullah l'a composé en deux paragraphes. Le premier paragraphe concerne les preuves de la révélation concernant l'obéissance au messager alayhi salam, c'est-à-dire les preuves du Coran et de la sunna concernant l'obligation d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Le deuxième paragraphe concerne certains textes des pieux prédicateurs d'Allah alayhim qui montrent le combat qu'ils ont mené contre tout ce qui est en contradiction avec le suivi du messager alayhi salatu wassalam. قال الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى الحق الثاني طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. يقول حفظه الله لا يخفى لمن تأمل نصوص الكتاب والسنة يجد أصلا ظاهرا بينا بين عينيه ألا وهو أن التأسي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله هو الأصل في كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. Donc, dans Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, concernant ce deuxième droit qui est le fait d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam et de suivre sa sunna, il dit, Hafidhahullah, tous ceux qui méditent les textes du livre et de la sunna se trouvent devant un fondement clair et précis, qui est le fait de prendre le messager comme modèle dans ses paroles, dans ses actes. Et ceci est un fondement qui concerne tout ce qui a été confirmé du messager alayhi salatu wassalam au niveau des paroles, au niveau des actes ou au niveau des approbations. قال الله جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام الحافظ ابن كثير عند هذه الآية: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Donc, comme il a dit Cheikh Hafidhahullah, prendre comme modèle le messager alayhi salam dans ses paroles, dans ses actes, ceci est un fondement qui est confirmé et qui concerne tout ce qu'a dit le prophète alayhi salam, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a approuvé, alayhi salatu wassalam. Et ça, ce sont les trois composantes de la sunna, c'est la parole, l'acte et l'approbation du messager, alayhi salatu wassalam, fait rentrer aussi, rentre aussi dans la sunna. Et il a cité comme preuve le verset dans Sourate Al-Qawwalisée, où le verset nous dit ceci, dans cette traduction approximative du sens du verset: en effet, vous avez dans le messager d'Allah la signe des modèles à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. L'imam mémorisateur Ibn Kathir rahimahullah a dit concernant ce verset, il dit: ce verset est un grand fondement dans l'obligation de prendre le messager d'Allah comme modèle dans ses paroles, dans ses actes, dans toutes ces situations. Il dit, c'est pour ça qu'Allah a ordonné aux gens de le prendre comme modèle le jour de la bataille des coalisés, de le prendre comme modèle dans sa patience, dans son endurance, dans sa résistance, dans son combat, et dans l'attente de la, délivrance de son souverain, subhanahu wa ta'ala. Fin de citation d'Ibn Kathir, rahimahullah. يقول الشيخ عبد الله فالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وتصديق نبوته يستلزم العمل بما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم وهذه ركيزة من ركائز الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعني القيادة والتسليم له صلى الله عليه وسلم قال الله جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Et donc, il dit, حفظه الله تعالى, croire en le prophète et croire en sa prophétie implique le fait de mettre en application ce qu'il a ramené. Et ça, c'est une base fondamentale parmi les bases de la foi en le prophète عليه الصلاة والسلام. Et cela veut dire lui obéir et se soumettre à lui. Il est dit dans le verset qu'il a cité ici dans la traduction approximative du sens du verset. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne te prennent pas comme juge dans leurs disputes et qu'ils éprouvent aucune gêne pour ce que tu as émis comme jugement ou comme sentence. Et qu'ils s'y soumettent complètement. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله وهذه هي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب على الخلق جميعا اتباع شريعته ولزوم سنته وتحكيمها والرضا بها وتسليم لها ولا يجد المرء في نفسه حرجا مما قضى ويسلم تسليما فلا خير إلا ودل الأمة عليه ولا شر إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وآله وسلم. Il dit, حفظه الله تعالى, Cheikh Abdallah dit, et ça, c'est la hijra vers le messager عليه الصلاة والسلام. Fait d'aller courir vers le prophète عليه الصلاة والسلام. Il est obligatoire à toute la créature de suivre sa législation. Et la hijra vers le prophète عليه الصلاة والسلام, c'est le fait de lui obéir, de mettre en application sa législation. Ah donc, il est obligatoire à toute la créature de suivre sa législation et de se cramponner à sa sunna et de la prendre comme juge et de l'accepter, de s'y soumettre. Et l'être humain ne doit pas trouver de gêne dans son cœur quand le messager a émis une sentence. Il doit s'y soumettre. Car tout bien qui existe, le prophète l'a montré à sa communauté et il l'a orienté vers ce bien. Et tout mal qui existe, il en a averti sa communauté, alayhi salatu wassalam. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله فلا بد أن تعلم يا رعاك الله أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بمصلحتك من نفسك ووالدك والناس أجمعين وأنه يحب الخير لك أكثر من حبك الخير لنفسك. الشيخ عبد الله تدير il faut que tu saches. Il faut que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît ton intérêt mieux que toi, mieux que tes parents et tous les gens. Il aime le bien pour toi plus que toi-même. قال الله جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو صلى الله عليه وسلم رحمة ونعمة من الله ومن نعمة من الله بها على عباده وعلى الخلق أجمعين وفي هذا كما قلنا مطالب. Il dit, حفظه الله تعالى, il cite le verset qui prouve que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est mieux pour nous que nous-mêmes. Il cite ce verset où il dit, dans la traduction approximative du sens du verset, nous t'avons envoyé qu'en clémence pour les mondes. Clémence pour les mondes. Il dit, حفظه الله, donc, le messager alayhi salam est une clémence et un bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala accomplit ses soumis. Il y a un bienfait pour toutes les créatures. Et il dit, Hafidhahullah, dans ce deuxième droit, qui est le droit d'obéir au prophète, alayhi salam, et de suivre sa sunna, il y a quelques paragraphes. يقول حفظه الله المطلب الأول أدلة وجوب طاعته من القرآن الكريم. يقول الإمام المبجل إمام أهل السنة الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، يعني من القرآن، منها قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ويقول جل جلاله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول الله جل وعز: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعز. إذن كيلدي حفظه الله تعالى le premier point ou le premier paragraphe dans ce deuxième droit, ce sont les preuves de l'obligation d'obéir au prophète alayhi salam, les preuves du Coran, les preuves dans la parole d'Allah azza wa jal. Le révérend imam Ahmed ibn Hanbal rahmatullah alayhi, l'imam des gens de la sunna et de l'unité, dit rahmatullah alayhi: j'ai vu dans le livre d'Allah l'obéissance au messager alayhi salam à 33 places. C'est-à-dire, il a vu que dans le Coran, dans 33 places, il y a l'obéissance, l'ordre d'obéir au messager alayhi salam. Il dit, Cheikh Abdallah dit, fait partie de ces versets, les versets qu'il a cités dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, le premier dans Sourate Nisa, verset 80: celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Donc, l'obéissance à Allah passe par l'obéissance au messager, alayhi salatu wassalam. Le deuxième verset qu'il a cité dans Surat Nur 56, la traduction approximative du sens de ce verset nous dit ceci: et obéissez au messager afin que vous ayez la miséricorde. Vous voulez la clémence d'Allah? Obéissez au messager. Dans toujours Surat Nur 54, la traduction approximative dit ceci: dit, ô Muhammad, dit, obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, le messager n'est alors responsable que ce dont il est chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Il n'incombe au messager que de transmettre explicitement, c'est-à-dire de transmettre clairement, explicitement son message. Et dans l'autre verset qu'il a cité dans Sourate Al-Imran, verset 32, il dit, dit au Muhammad, dit, obéissez à Allah et au messager. S'il se détourne, Allah n'aime pas les mécréants. Ainsi dans beaucoup de versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est ainsi. Dans beaucoup de versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le fait d'obéir à son messager alayhi salatu wassalam. وجاء الأمر من الله جل جلاله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا وتأسيا به عليه الصلاة والسلام في مواطن عدة. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالخير أيها الأحبة كل الخير في اتباعه وتحكيم شريعته وسنته، والشر كل الشر في مخالفة هديه والتنكب عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. Il dit, حفظه الله, الشيخ عبد الله, et l'ordre est venu d'Allah, ordonnant le suivi de son messager, عليه الصلاة والسلام, et ordonnant le fait de le prendre comme modèle, dont il suscite dans maintes endroits, dans le Coran, dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Il cite le verset dans Sourate Al-Imran, Verset 31, où il est dit, dans cette traduction approximative du sens du verset, dites, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, c'est-à-dire, suivez le messager alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il va arriver? Allah vous aimera et pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et clément. Et l'autre verset qu'il a cité dans Surat Al-Araf, verset 158, il est dit, croyez en Allah et en son messager. Croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en sa parole. Et suivez-le, vous allez être guidés. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, ô bien-aimé, le bien et tout le bien est dans son suivi, alayhi salatu wassalam, et dans le fait de mettre en application sa législation, et dans le fait de mettre en application sa sunna, et le mal et tout le mal est dans le fait d'être en divergence avec la voie du messager, alayhi salatu wassalam, et dans le fait de se détourner de sa sunna. يقول حفظه الله المطلب الثاني في أدلة وجوب طاعته من السنة وهي كثيرة متكاثرة من ذلك ما أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وأخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا حج بعد حجتي هذه واللام لام الأمر أي لتأخذوا عني مناسككم. Et le deuxième paragraphe concerne l'épreuve de l'obligation d'obéir au messager alayhi salatu wassalam et de le suivre dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, Cheikh, il dit, Hafidhahullah, ils sont nombreuses. Fait partie de ces preuves ce qui est rapporté par l'imam Bukhari dans l'authentique que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et aussi l'imam Muslim rapporte dans l'authentique que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, prenez de moi vos rites, c'est-à-dire vos rites de pèlerinage, car peut-être je ne ferai pas d'autres pèlerinages après celui-ci. Et donc, l'état khudou l'ulam qui est utilisé dans l'état khudou anni manasikakum, c'est une lettre de l'impératif. Je veux dire, prenez de moi vos rites de pèlerinage. لِتَأْخُدُ عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى أين هذا أمر لا يعقل من هذا الذي يأبى ولا يريد الجنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قال الحافظ ابن حجر في الفتح الموصوف بالإباء وهو الامتناع إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلا من شاء الله تعالى. Et l'imam Bukhari rahimahullah rapporte dans son authentique le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda, il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute ma communauté rentrera au paradis sauf ceux qui le refusent. Ils ont dit, ô messager d'Allah, qui va le refuser? C'est-à-dire, cette chose est impensable. D'où cette question, qui le refusera, ya Rasulallah? C'est-à-dire, qui ne veut pas le paradis? Et il a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui m'obéit rentrera au paradis, et celui qui me désobéit a refusé d'y rentrer. Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dans le Fath a dit, la description du refus, c'est le fait de s'abstenir. Si cela vient d'un kafir, d'office, il ne rentrera pas au paradis. Et si c'est un musulman, ça veut dire qu'il n'y entrera pas avec les premiers qui vont y entrer, sauf si Allah le veut. قال الإمام الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في الصحيح طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته، إلى أن قال: من رفض قول مع رفض إلى أن قال مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله عز وجل بخلاف سنته دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الضاحضة. الحافظ بن حبان البستي رحمه الله أدي دون سون أوتنتيك لوبيسون سو ميساجي سي سويفر سا سنة. Et il a dit, tout en refusant la parole de tous ceux qui disent ou qui diront dans la religion des choses qui sont en divergence avec la sunna du messager alayhi salatu wasalam. Et aussi, il ne faut pas ruser pour repousser la sunna avec des interprétations qui ne tiennent pas debout et avec les innovations nulles. قال حفظه الله عن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو صحيح. إيه شيخ عبد الله دو سيتي لو حديث rapporté par Abu Daoud, par Tirmidhi, par Nubaja et par d'autres. Hadith de l'Ibad, Nusariya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré. Il a dit, le messager nous a exhorté une forte exhortation qui a fait frémir les cœurs et verser les larmes des yeux. Nous lui avons dit, ô messager d'Allah, est-ce une exhortation d'adieu? Fais-nous quelques recommandations. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, je vous recommande le fait de préserver les droits d'Allah et d'obéir et d'écouter vos gouverneurs, même si vous êtes gouverné par un esclave, car celui qui vivra longtemps après moi sera témoin de nombreuses divergences et verra beaucoup de divergences et de discordes. Conformez-vous à ma sunna et à la sunna de Khalid, bien guidé après moi. Tenez-vous-y fermement et de toutes vos forces, et prenez garde à toute nouveauté dans la religion, car toute nouveauté dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله: قد رسم النبي صلى الله عليه وسلم قد رسم النبي صلى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم وفي هذه الموعظة البليغة ركيزتين أساسيتين، هما الاتباع وترك الابتداع. شيخ عبد الله دو دير que le messager d'Allah a désigné dans ce noble hadith de l'Ibad Musariya et dans cette forte exhortation dans ce hadith deux bases fondamentales, à savoir le suivi et le délaissement de l'innovation. Le suivi et le délaissement de l'innovation. Et ce sont deux fondations qu'il a désignées, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith. Yaqulu Cheikh Abdallah, hafidahullah, wa matta'abih, wa al-muta'ammilu fi sirati salafi l'ummati min as-sahbi, ridwanullahi alayhim, yajidu annahum qad saru ala hadhihi al-wasiyyati al-jami'ati al-mani'ah, آخذين هذه الأوامر الإلهية والأوامر النبوية بعين التأمل والتطبيق مع الرضا والتسليم، فسلموا وأسلموا لله رب العالمين. Et Cheikh Abdallah de nous dire, et celui qui médite la biographie des pieux prédécesseurs de Allah alayhim parmi les compagnons verra qu'ils ont mis cette recommandation synthèse en pratique, mettant ainsi les ordres divins et les ordres prophétiques en application, avec une grande soumission et une large acceptation. Ainsi, ils se sont soumis à par Allah, le souverain des mondes. يقول حفظه الله وهذا يسوقنا إلى الكلام على المطلب الثالث بعض النقولات عن أئمة السلف من محاربة ما يناقض الاتباع فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع وقال أيضا رضي الله عنه إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر إيه شيخ عبد الله دي Et cela nous amène à parler du troisième paragraphe dans ce deuxième droit qui est l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et le troisième paragraphe dans ce droit concerne certains textes des pieux prédécesseurs qui s'opposent à tout ce qui est en contradiction avec le suivi. De cela, ce qui est rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, qui a dit, être économe dans la sunna, c'est mieux que de faire des efforts dans les innovations, comme l'a rapporté Ibn Rajab dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Être économe dans la sunna et se limiter à la sunna, c'est mieux de faire beaucoup d'efforts dans les innovations. Regardez ce noble conseil. Le compagnon Ridwanullah alayhi majma'in. Il a dit aussi, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, comme il est rapporté par l'Alaka'i, on imite les pieux prédécesseurs, on imite et on commence pas. C'est-à-dire, on n'ouvre pas quelque chose de nouveau avant eux. On imite, on les imite et on commence pas. Et on suit et on n'innove pas. Et nous allons pas nous égarer tant que nous restons cramponnés au hadith du messager alayhi salatu wassalam. Regardez cette noble, ce noble conseil. On imite, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs de Allah, et on commence pas, on ramène pas quelque chose qu'ils n'ont pas ramené. Et on suit, on les suit et on n'innove pas. Et nous allons pas nous égarer tant que nous restons cramponnés au hadith. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما من عام إلا الناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن وعنه رضي الله عنه قال عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا Et dans ce qui est rapporté par l'Alaka et par Mouaddah dans le Bida' donc Abdullah ibn Abbas qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée Abdullah ibn Abbas a dit chaque année les gens créent une innovation et tuent une sunna jusqu'à ce que vivent les innovations qui meurent les sunnans. Chaque année, les gens créent une innovation et tuent une sunna jusqu'à ce que vivent les innovations et qu'ils meurent les sunnas. Et aussi, il a dit dans ce qui est rapporté par Ibn Battah et par Darimi, préserver les droits d'Allah et préserver les droits d'Allah et prendre la droiture dans ta religion. Il suit, il n'innove pas. Il suit, il n'innove pas. Et il a été rapporté à Abdullah ibn Omar, comme le rapporte l'Alaka'i ibn Battah, rahimahullah. Abdullah ibn Omar a dit, toute innovation est un égarement, même si les gens voient que c'est un bien. وَجَاءَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَا خَرَّجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الزُّهْدِ أنه قال كانوا يقولون يا رسول الله إنا لنحب الله فأراد الله عز وجل أن يجعل لحبهم إياه علامة فأنزل عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Wallahu ghafurur rahim. Et dans ce qui est rapporté par Ibn Hatim dans son livre Zuhd, il rapporte de l'Hassan al-Basri, que l'Hassan al-Basri a dit, il disait, c'est-à-dire à l'époque du prophète alayhi salam, le noble compagnon, il disait, ô messager d'Allah, nous aimons Allah. Allah a voulu donner un baromètre et un signe à leur amour, et il a descendu ce verset dans la traduction approximative, nous dit ceci, dites si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah il vous aimera et pardonnera vos péchés. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله بن أنس إمام دار الهجرة أنه قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وكان يكثر رحمه الله من إنشاد قوله وخير الأمور ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. Et dans ce qui est rapporté dans la Tisam de Shatibi rahimahullah, Shatibi rapporte que l'imam Malik, l'imam de Dar Hijra, a dit, l'imam Malik a dit, celui qui voit bonne une innovation qu'il a innovée dans l'islam, il a prétendu que Muhammad a trahi le message. Alors qu'Allah a dit, dans la traduction approximative du sens du verset, « Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. » Il dit, « Rahmatullah alayhi, ce qui n'a pas été une religion hier, ne le sera pas aujourd'hui. » Et il répétait souvent ce poème, « Les meilleures des choses, ce sont, c'est la sunna. Les meilleures des choses, ce sont les choses qui font... » qui font partie de la sunna. Et les pires des choses, ce sont les innovations. Rahmatullahi ala l'imam Malik. Wa yakulu al-imamu al-hujjatu al-imamu Muhammad ibn Idris, al-Shafi'i rahimahullah fil risala. Fama wasaftu min fardillahi ala al-nasi ittiba'a amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, dalilun ala anna sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, innama qubilat anillah. فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها ولا نجد خبرا ألزم الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه إلى أن قال لأن الله لم يجعل لآدمي بعده صلى الله عليه وسلم ما جعل له بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره فالخلق كلهم له تبع ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلاف. Et l'imam Al-Hujja Muhammad ibn Idris Shafi'i dans son livre Risala a dit, ce que j'ai décrit pour les gens comme obligation de suivre l'ordre du messager alayhi salam, c'est une preuve que la sunna n'a été acceptée que parce qu'il vient d'Allah. Celui qui la suit, c'est par le biais du livre d'Allah qu'il la suit. Et on ne trouve pas un sujet qu'Allah a fait obligatoire pour ses créatures d'une façon expliquée et explicite que son livre et puis la sunna de son prophète alayhi salam. Et il a dit aussi, Allah n'a pas instauré pour un descendant d'Adam après son messager alayhi salam ce qu'il a instauré pour son messager alayhi salam. Allah a fait obligatoire de suivre son messager alayhi salatu wassalam et a ordonné, le fait de se cramponner à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, habidahullah, rahimahullah, toutes les créatures doivent le suivre. Et le suiveur n'a pas à diverger avec celui qu'il est obligatoire de suivre, avec celui qu'il doit obligatoirement suivre. Celui dont il est obligatoire de suivre, donc, il est obligatoire de suivre la sunna du messager alayhi salam. Et celui qui, qui est concerné par l'obligation de suivre la sunna ne doit pas être en divergence avec la sunna. Il ne doit pas être en divergence avec le messager alayhi salam. Fin de citation de Shafi'i rahimahullah. Wa qala Sahl ibn Abdillah at-Tustari rahimahullah fi kalimatin 'azimatin balighatin 'alaykum bil athar was sunnah fa inni akhafu annahu sayati 'an qalil zaman idha dhakara al-insan an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida' bihi fi jami'i ahwalihi ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وذلوه وهانوه ولا شك هذا وصف بليغ وتحذير شديد منه رحمه الله وكان يقول رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب. Et comme il est rapporté dans Fath al-Majid de l'érudit Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh rahmatullah alayh, qu'il rapporte de Sahl ibn Abdillah al-Tastari, qui a dit dans une phrase très forte: cramponnez-vous au hadith et à la sunna. J'ai peur que dans peu il vient un temps quand la personne cite le prophète alayhi salam et le fait de le suivre et le fait de le prendre comme modèle dans toute situation, qu'on blâme la personne qui agit ainsi, et qu'on s'éloigne de lui, et qu'on le désavoue, et qu'on le rabaisse, et qu'on le méprise. Fin de citation. Et Cheikh Abdallah de dire, il n'y a aucun doute que ceci est une grande description et un avertissement très fort. Il a averti contre le fait de délaisser la sunna et de suivre autre chose que la sunna et de suivre autre que le prophète alayhi sallam. Et il a dit aussi dans ce qui est rapporté par Ibn Abd al-Barr dans Jami' Bayan al-Ilm, rapport de Sahl Ibn Abdillah al-Tastari, qui disait: toute personne qui innovera dans la science de la religion quelque chose, il en sera questionné le jour de la résurrection. S'il est conforme à la sunna, il sera sauvé. Sinon, c'est la grande catastrophe. C'est la grande catastrophe pour lui. Hein? ويقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. Et dans ce qui est rapporté dans Siyar Alam al-Nubala للذهبي رحمه الله, l'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi rahimahullah disait: la science, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de versions ou de mémoriser beaucoup de versions du hadith. Mais la science, c'est une lumière qu'Allah a mis dans le cœur, et sa condition, le suivi et l'éloignement des passions et des innovations. Fin de citation. Wa yaqulu al-Hafidh ibn Qudama rahimahullah fi dhamm al-Ta'wil لأنه صلى الله عليه وآله وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. Et الحافظ بن قدامة dans son livre ذم التأويل, il a dit: certes, le messager est sur la voie droite. Et celui qui prend la voie du messager après la voie droite, sans aucun doute, il est obligatoire pour nous de le suivre, de s'arrêter là où il s'est arrêté, et de se taire sur les choses sur lesquelles il s'est tu. يقول الشيخ عبد الله: ما هو الصراط المستقيم أيها الإخوة الذي يدعو كل مصل ربه في كل ركعة فرضا كانت أم نفلا أن يهديه إليه. يقول: تقاربت عبارات أهل العلم في معناه. فقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد حسن أن حمزة بن المغيرة قال: سألت أبا العالية التابعي الجليل الشهير عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر، قال: فأتيت الحسن فأخبرته بذلك فقال: صدق ونصح. الشيخ عبد الله يسأل هذه السؤال: ô frère, c'est quoi la voie droite la voie droite que toute personne qui prie demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider vers cette voie. C'est quoi cette voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire de lui demander que tout prieur doit lui demander d'être guidé sur cette voie droite. Dans chacune des prières, et dans chaque rak'at des prières, que ce soit les surrogatoires ou les obligatoires. Cheikh Abdullah dit, les expressions des hommes de science se rapprochent. Dire, ils sont divers, mais ils se rapprochent. Ils se rapprochent dans leur sens. Voir, hein, certaines paroles citées par Ibn Kathir dans son exigète, où il a dit que c'est l'islam, c'est le Coran, c'est le messager alayhi salatu wassalam, c'est les compagnons et ainsi de suite. Ici, Cheikh Abdallah, il cite la parole de l'imam Ibn Jarir Tabari. L'imam Ibn Jarir Tabari rapporte dans son exigence, avec une bonne chaîne de transmission, et il le rapporte de Hamza Ibn Mughira, qui a dit, j'ai demandé à Bal'aliya, le noble, célèbre, Tabi'i, Abul Aliya, je lui demandais concernant le verset, Dina Salat al-Mustaqim, guide-nous sur la voie droite. Et il a dit, c'est-à-dire Abul Aliya lui a répondu, le messager et ses deux compagnons après lui, Abu Bakr et Omar. Allahu Akbar. Et Hamza ibn al-Mughira a dit, j'ai été voir le Hassan al-Basri et je lui ai annoncé cela. Il lui a annoncé ce qu'il lui a répondu, Abul Aliya, que la voie droite, c'est le messager Abu Bakr et Omar. C'est le messager et après Abu Bakr et Omar après lui. Et quand le Hassan al-Basri a entendu cela, il a dit, il a dit vrai et il a conseillé. Il a dit vrai et il a conseillé. Cela veut dire quoi? Si tu prends la voie du messager alayhi salatu wassalam et d'Abu Bakr et d'Omar, tu es sur la voie droite. Car la voix d'Abu Bakr et d'Omar, ce n'est que la voix du messager alayhi salatu wassalam. Et la voix du messager alayhi salatu wassalam, c'est la voix droite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffirme sur la voix droite. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسول. Et Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Zad al-Ma'ad, il dit, partant de là, tu sais qu'il est d'office obligatoire ou soumis à Allah de connaître le messager et de connaître ce qu'il a ramené et d'y croire et croire et de croire en tout ce qu'il a annoncé et de lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Car il n'y a pas de voie vers le bonheur et la réussite dans ce bas monde et dans le delà que par la voie des messagers alayhi salatu wassalam. Wa yaqulu rahimahullah Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim wa la sabila ila ma'rifati at-tayyib wal-khabith 'ala at-tafsih illa min jihatihim laysa illa hadihum wa ma ja'u bihi fa hum al-mizan ar-rajih alladhi 'ala aqwalihim wa a'malihim wa akhlaqihim tuzanu al-aqwal wal akhlaq والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. Et toujours les paroles d'Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, il dit, on ne peut connaître le bon et le mauvais que par le biais des messagers alayhi salatu wassalam. Ce n'est que leur voix et ce qu'ils ont ramené. Et il dit, et ça c'est le baromètre, prépondérant qui, dans leurs paroles, dans leurs actes, dans leurs comportements, et ce baromètre selon lequel s'évaluent toutes les paroles, tout comportement, tout acte. Hein? Et avec leur suivi, avec le suivi du messager alayhi salatu wassalam, se différencient les gens de la guidée et les gens de l'égarement. يقول فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجة إلى الرسل فوقها بكثير. Et il dit rahmatullah alayhi, toujours les paroles sont Ibn al-Qayyim, les gens ont besoin des messagers plus que le besoin du corps, plus que le besoin du corps à son âme, et plus que le besoin de l'œil à sa lumière, et plus que le besoin de l'âme à sa vie. Et il a dit toute nécessité et tout besoin nécessaire, le besoin du soumis au messager est plus au-dessus de tout cela. Dire que le besoin et la nécessité, notre besoin des messagers alayhi salatu wasalam est au-dessus de tout besoin. يقول إلى أن قال وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكتر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Et toujours les paroles de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, que Cheikh a cité ici, et il a dit aussi ici le bonheur du soumis. Ici le bonheur du soumis à Allah dont les demandes dépendent de la voix du prophète alayhi salatu wasalam, il est obligatoire à tout un chacun qui est digne du conseil pour son nefs, c'est-à-dire pour lui-même, et qui aimerait son bonheur, et qui aimerait le bonheur de son nefs, et qui veut sauver son nefs, il est obligatoire pour lui de connaître la voie du messager alayhi salatu wasalam, de connaître sa biographie, de connaître sa situation. Et c'est ce qui va le sortir du nombre des ignorants, et qui le fera rentrer dans le nombre de ses suiveurs, et qui le fera partie du prophète alayhi salatu wasalam, qui le fera rentrer dans le nombre de ses suiveurs et dans le parti du messager alayhi salatu wasalam. Et les gens à ce niveau-là, au niveau de la reconnaissance du prophète alayhi salatu wasalam, de sa voix, sont entre eux ceux qui ont beaucoup de connaissances et ceux qui ont peu et ceux qui sont privés de cette connaissance. Il dit, et le bien est entre les mains d'Allah, il le donne à qui il veut, et Allah dit, tiens, le bien immense, subhanahu wa ta'ala. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, dans Zad al-Ma'ad, et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله